Bonjour et merci d'être toujours fidèle à l'histoire en vidéo. Donc, nous parlions de la fin finalement tragique des Mérovées qui avaient espéré monter sur le trône d'Austrasie en épousant Brunehaut, mais qui avaient été froidement accueillis par la cour d'Austrasie, qu'ils s'étaient repliés à Reims et qui ensuite s'étaient fait assassiner à l'extérieur des murs de la ville de Thérouanne, ville qu'on lui avait fait croire ralliée à sa cause. Il est assassiné lardé de coups de couteau un soir, peut-être après la chasse d'ailleurs. Et évidemment, Chilpéric est furieux. Donc on ne pense pas que c'est Chilpéric qui est derrière ce meurtre, puisque même s'il est sévère à l'égard de ses fils, il n'aime pas les voir mourir. Mais cette méthode, nous l'avons vu, a déjà été appliquée, et Sigebert. Et on soupçonne déjà que Frédégonde est derrière la mort de Sigebert. Et comme la méthode est exactement la même pour Mérovée, qui est aussi lardée de coups de couteau par des esclaves, eh bien on pourrait se demander si c'est pas Frédégonde qui assassine aussi Mérovée. Parce que pour elle, elle trouve un intérêt finalement à voir mourir les descendants que les fils de Chilpéric, que Chilpéric a eu avec sa première femme, qui s'appelle Audovaire, et qui à ce moment-là est au couvent. Donc Chilpéric est furieux de voir Mérovée s'être fait assassiner. En plus, il a perdu son fils de 2 ans, Samson. Et donc voilà. Mais malgré tout, même si il voit sa descendance mâle se réduire, Chilpéric reste à la tête d'un des plus puissants royaumes d'Occident, puisque ce royaume, donc qui va être appelé au 7e siècle, qui va être appelé le royaume de Neustrie, expression qui apparaît chez un chroniqueur italien du 7e siècle, le nouveau royaume de l'Ouest. Ce royaume, donc, maintenant représente la moitié du royaume franc qu'il traverse du nord au sud par le milieu. À l'est de cette perpendiculaire se trouve le royaume du jeune Childebert, le royaume d'Austrasie, et celui du vieux Gontran, qui se répartissent à égalité un territoire qui va du nord de l'Allemagne jusqu'à la Provence. Alors les deux territoires d'Austrasie et de Bourgogne sont assez considérables, mais ils correspondent exactement chacun à la moitié du royaume de Chilpéric. Alors Chilpéric est un roi qui est très inspiré du modèle romain, il tente d'administrer d'ailleurs son royaume comme un empereur, il se prend d'ailleurs pour l'empereur Claude, puisque comme lui, il rajoute des lettres à l'alphabet latin. Il se prend aussi pour un intellectuel. Il a écrit d'ailleurs un traité sur la Trinité, qui a été considéré d'ailleurs par l'Église comme hérétique. Et là, on pourrait considérer qu'il a fait preuve d'une certaine sagesse, puisqu'il, voyant que son traité était considéré comme hérétique, il a préféré se plier à l'ordre de l'Église de ne pas faire publier son traité. Mais donc c'est un roi quand même assez intéressant. Il est juste peut-être d'un caractère assez difficile, assez rugueux, assez dur. Alors, le truc aussi, c'est qu'il est à l'origine, il est très belliqueux, et donc il est à l'origine de nombreuses guerres, et pour ça, il doit lever beaucoup d'impôts, et les impôts sont lourds et fréquents. Et à cause de ces nombreuses guerres, donc, dont il a en partie la cause, eh bien, il doit composer avec une aristocratie de plus en plus puissante, d'origine militaire, mais aussi ecclésiastique. À titre d'illustration, on se souvient du procès de Bernay. Hein, qui oppose d'ailleurs Grégoire de Tours et le fameux comte Le Dast. Pourquoi? Parce que Grégoire de Tours n'aime pas le comte Le Dast, qui est un fidèle pourtant de Chilpéric. Le comte Le Dast est donc le gouverneur de la région qui comprend Tours. Bon. Se trouve malheureusement à Tours l'évêque Grégoire de Tours. Et Grégoire de Tours s'y prend tellement bien qu'il finit par obtenir en réalité l'expulsion du comte Le Dast, qui retourne à la cour du roi Chilpéric. Alors à ce moment-là, la cour du roi Chilpéric se tient à Soissons, puisque Chilpéric a rétabli sa capitale à Soissons, et se plaint auprès du roi Chilpéric en laissant courir le bruit que, en réalité, Grégoire de Tours pense que les enfants que Frédégonde a eus avec Chilpéric sont tous des enfants adultères. Puisque à ce moment-là, Frédégonde a à peu près trois enfants de Chilpéric. Et alors Chilpéric est très inquiet parce qu'il a surtout très inquiet, non pas que finalement que Frédégonde ait pu le tromper, mais surtout que ça se sache. Et il n'a pas du tout envie que ça se sache. Donc il va convoquer Grégoire de Tours et le comte Le Dast et, à un procès. Il va ouvrir un procès contre Grégoire de Tours. Et alors, le plaignant est l'évêque de Bordeaux. Pourquoi? Parce qu'en réalité, les accusations de Le Dast sont claires. Grégoire de Tours aurait accusé Frédégonde d'avoir eu des enfants avec l'évêque de Bordeaux. Alors, on ne sait pas, peut-être que l'évêque de Bordeaux était un homme très séduisant, enfin en tout cas, le bruit laissait entendre que ça pouvait être crédible. Et ça inquiétait suffisamment le roi pour ouvrir un procès. Donc, le plaignant, c'est l'évêque de Bordeaux, et l'accusé est Grégoire de Tours. Évidemment, le témoin assisté, c'est le comte Le Dast. Mais Grégoire de Tours ouvre en fait le procès assez intelligemment, puisqu'il vient accompagné du fameux poète Venance Fortuna et demande à Venance Fortuna d'adresser un éloge panégyrique au roi Chilpéric. Flairant la bonne affaire, le poète, qui n'est pas avare de compliments, d'épithètes louangeurs, qui a d'ailleurs fait ça à la cour de Sigebert et de Brunehaut avec un certain succès, ce qui fait qu'il touchait une pension assez considérable, mais malheureusement il avait perdu son commanditaire avec la mort de Sigebert, et donc il s'était retrouvé un peu sans emploi. Eh bien, le poète donc s'exécute en récitant un des plus longs poèmes qu'il a écrit, de 370 vers, où il affirme sans ciller que Chilpéric est le fils préféré de Clotaire, que la mort de Mérovée, rebelle en armes, est bien méritée, que l'assassinat de Sigebert est un châtiment divin, que Frédégonde est une vraie reine, prudente, généreuse et bonne administratrice, et que Chilpéric est un théologien et un auteur d'hymnes d'une grande élévation spirituelle dont Radegonde ne peut que dire du bien. Sensible à la culture autant qu'aux compliments, le roi acquitte Grégoire de Tours, verse une pension à Venance Fortuna et condamne à l'exil le comte Le Dast, qui ne s'attendait pas à un tel retournement de fortune. Merci et à bientôt.